Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Algérie, les ineffables mémoires, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somanina. Au départ de cette série, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, des idéaux comme des colonnes vertébrales et des jeunes gens qui avaient compris qu'ils allaient plonger dans un cauchemar inextricable auquel ils ont décidé de dire non. Alors pour commencer, les personnages, un cinéaste et ses souvenirs, un historien qui nuance, un soldat qui dit non et un appelé en prison. Ensuite, le décor. Le cinéma, la guerre, les générations, la virilité, la désobéissance, le service militaire, des discours de président, le cachot, le tribunal militaire, des convictions et de la détermination. Aujourd'hui, deuxième épisode, le général vous parle. Première conférence de presse du général de Gaulle. Mais je suis sûr que les Algériens veulent et voudront que le sort de l'Algérie soit lié à celui de la France et je suis sûr que la France le voudra, elle aussi. En 1959, j'avais 10 ans. Comme tout le monde, j'allais beaucoup au cinéma. Les grands, pour s'embrasser dans le noir. Moi, pour voir les films. Faute d'avoir quelqu'un à embrasser. Ce soir-là, c'était une première. Mon frère me sortait en semaine, un vendredi, pour voir le dernier film de Cary Grant. Hélas, il sortait aussi sa fiancée. Oh, t'étais vraiment obligé de l'emmener. Moi, j'avais 10 ans pendant la guerre d'Algérie. Mon frère était appelé en Algérie. Gérard Mordillat, écrivain cinéaste. Et tous mes copains d'école avaient qui un frère, un cousin, un voisin. Donc c'était une chose quand même qui était très présente dans nos têtes. Même si on vivait la guerre par procuration, on attendait le courrier, on se demandait ce qui se passait, il y avait ce qu'on pouvait lire dans les journaux, entendre à la radio. Et puis pour les parents, il y avait l'angoisse de voir le fils partir en Algérie, puisque pour beaucoup, ça voulait dire aller se faire tuer en Algérie. Alors il n'y avait peut-être pas une expression publique de cette inquiétude et de cette conscience, puisqu'on s'adressait a priori aux politiques ou à ceux à qui on accorde la parole. Mais je crois que sur un plan populaire, moi, j'ai grandi et vécu dans le 20e arrondissement, entre Belleville et Ménilmontant, je veux dire, c'était très fortement présent, et ça a été, et ça l'est encore aujourd'hui à travers des amis que j'ai. Alors c'est vrai, c'était lointain, mais en même temps, c'était présent aussi. Dans la classe, il y avait des enfants d'origine algérienne qui se demandaient pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que là aussi, enfin, c'était les mêmes que nous, c'était des copains d'école, quoi. Donc, il y avait ça. Mon vrai souvenir réel, direct, c'est l'interrogation par rapport à nos copains d'école. Le petit Jackie Saïd, d'un seul coup, il y a des mots qui avaient apparu, crouille, fait la gare, etc. Alors, est-ce que le petit Jackie Saïd, c'est un crouille? Alors, on en discutait, lui-même en discutait aussi pour savoir s'il en était ou pas. Je veux dire, c'était plutôt ça, c'était d'un seul coup une sorte d'invasion de mots nouveaux qui désignaient les uns et les autres de termes qu'on n'avait jamais entendus et qui nous paraissaient d'une étrangeté absolue au regard de ce que l'on vivait. Qu'est-ce que tu fous là? T'es encore là? Les flics sont venus chez nous. Écoute-moi bien, Marius, je vais te dire quelque chose que t'en as l'âge de comprendre. Quoi? Si tu comprends pas ça, tu comprendras jamais. Je veux pas faire la guerre. Tu veux pas tirer sur les crouilles? Dis jamais des choses comme ça. Allez, viens. On est dans une société qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Tramor, Quémeneur, historien. Qui a tout un, une force de la résistance et de la résistance armée qui est présente. Hein. On est à peine 10 ans après, donc voilà, c'est ce culte-là aussi des résistants, des parachutistes en particulier aussi, qui ont contribué à libérer la France. Donc il y a vraiment cette culture militaire très forte finalement, et qui est portée aussi par les générations précédentes. C'est-à-dire que les grands-pères ont fait la Première Guerre mondiale, les pères ont fait la Seconde Guerre mondiale, et donc vient en quelque sorte naturellement, on pourrait dire, le tour du fils, quoi. C'est dans la normalité, donc c'est et ça contribue, ça participe aussi du culte de la virilité, on pourrait dire, hein, faire ses classes, le conseil de révision. Tous ces éléments-là, en fait, on est bon pour le service, on est bon pour les filles, donc on va faire son service militaire, on va revenir, on va trouver un travail, on va pouvoir fonder une famille. Donc c'était la suite logique. Si t'as déserté, ils vont te fusiller, comme Pépé. T'aurais qu'à mettre ma photo à côté de la sienne. Tu déconnes toujours. Les parents, ils sont là? Pourquoi? J'ai oublié quelque chose à la maison. Qu'est-ce que t'as oublié? La bille porte-bonheur, je la veux. Y'a jamais personne à ce tour-là. Eh bien, ça tombe bien. Tu vas m'accompagner à un taxi. Et surtout, tu dis rien aux parents tant que j'aurai pas écrit. D'accord? D'accord. Alain Chevillard? Ouais. Veuillez nous suivre sans faire de vilain. Je peux d'abord dire au revoir à mon petit frère. D'accord. Mais faites vite. Comment on refuse? Je crois qu'on refuse d'abord, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons morales. C'est-à-dire avec, plutôt, pour parler dans ces termes-là, avec une conscience de classe, plutôt qu'avec une conscience politique. Je veux dire, on refuse parce que on comprend que on veut envoyer la personne se battre contre, finalement, ses semblables. Et donc, c'est semblable, c'est-à-dire non seulement semblable en tant qu'individu, mais c'est semblable de classe, c'est-à-dire des gens qui eux aussi sont de famille ouvrière ou de la petite ou moyenne bourgeoisie, enfin qui sont simplement des autres qu'on désigne comme l'ennemi. L'invention de l'ennemi est un des points essentiels, je dirais, de la pensée stratégique. Il faut inventer l'ennemi pour justifier l'injustifiable. Et je crois que c'est pour ça qu'on refuse. Algérie, les ineffables mémoires, les soldats du refus. Alain Lefkovitch et Somanina. Dans Cher Frangin, film réalisé en 1989, Gérard Mordilla raconte le destin d'Alain, jeune insoumis obligé de combattre dans une guerre qu'il refuse et qu'il ne cesse de raconter à son petit frère. Tir au flanc pour les uns, Alain incarne tous ceux pour qui cette guerre n'était pas la leur. Sur près de 2 millions d'appelés, seuls 1% d'entre eux ont dit non. Une poignée, tous militants communistes, écrivirent des lettres à messieurs les présidents Coty et De Gaulle. Ils finirent en prison, en métropole, en Algérie, dans les bagnes ou les Baddaf. On les a appelés les soldats du refus. Refus sans aucun doute à l'origine de la publication, le 6 septembre 1960, du manifeste des 121, mettant la question de l'insoumission au cœur de la guerre d'Algérie. Au cours des années 55 et 56, en fait, la question de la désobéissance est déjà posée. À l'automne 1955, en fait, on a ce qu'on appelle les manifestations de rappelés, c'est-à-dire qu'on a en fait des personnes qui sont maintenues sous des drapeaux, des soldats, dont on prolonge le service militaire, donc de 18 à 24 mois, puis après ce sera 27 mois, donc évidemment, ils acceptent mal, et surtout, ce qui est encore plus mal accepté, c'est les rappels sous les drapeaux, parce que ce sont des jeunes gens qui ont terminé leur service militaire, qui ont repris la vie civile, qui, pour une certaine partie d'entre eux, du coup, ont retrouvé un travail, se sont fiancés, voire mariés, ont peut-être un enfant. Et donc, eux, en fait, on leur dit qu'il faut retourner sous les drapeaux. Et alors là, en fait, on va trouver deux moments, à l'automne 1955 et au printemps 1956, où on a des mouvements de manifestation qui sont très forts. Et en particulier à l'automne 1955, en fait, on s'aperçoit que la question de la désobéissance est déjà posée. Et même par exemple, Pierre Cotte, qui est un ancien ministre du Front Populaire, par Marceau Pivert, qui est un socialiste aussi, et donc il va poser même la question de la désobéissance au sein de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Aussi, on a des jeunes, par exemple, qui vont assister à une messe en l'église Saint-Séverin, à Paris, dans le 5e arrondissement, et qui vont poser la question de leur participation dans la guerre d'Algérie. Et donc, ils ne veulent pas tirer, je cite leurs mots, sur leurs frères musulmans. C'est vrai qu'il y a eu très peu de refus de partir. D'ailleurs, c'est toujours une question qu'on se pose dans toutes les guerres. Pourquoi y va-t-on? Pourquoi sort-on de la tranchée? Pourquoi se bat-on? Pourquoi, soudain, mettons sa vie en danger? Au nom de quoi et de quelle chose? Dans Cher Frangin, c'est ça, parce que dans Cher Frangin, bien sûr, il refuse, mais aussi il se fait arrêter par la police et réexpédié directement en disciplinaire. Donc, on voit aussi comment l'État, au fond, reprend la main sur ceux qui s'opposent à ses décisions. Et comment, à l'intérieur d'un fonctionnement d'une armée, on mobilise facilement, finalement, ceux qui y sont, en mettant en exergue les exactions, entre guillemets, des autres. S'ils ont fait ça à tes copains, tu ne peux pas rester indifférent, donc tu dois te battre contre eux. Voilà, c'est ça que je voulais montrer, quoi. Comment on est pris dans un système qui finalement, quelles que soient vos convictions, vous broie. Ceux qui nous font actuellement une guerre sournoise. René Coty. Et sauvage. Juin 55. Sont du même coup plus malaisément saisissables. Les exagérations, les outrances, la violence, l'abominable violence, ne peuvent que desservir les causes qu'elles prétendent défendre. Il n'y a aucun parti qui les soutient. Et donc, les seuls, ça va être les anarchistes, certains anarchistes, hein, la Fédération communiste libertaire, par exemple, en particulier, ou bien des trotskistes également, et donc qui vont véritablement porter un discours anticolonialiste. Mais ils sont très minoritaires, ils subissent la censure, ils sont complètement marginalisés, et même sous la coupe, on va dire, de poursuites judiciaires. Et donc, au bout du compte, les jeunes qui ne veulent pas partir, en fait, se retrouvent complètement isolés. Ce qui se passe, c'est qu'ils partent quand même. Voilà. Mais on arrive, finalement, à la moitié de l'année 1956, dans la population française, à 70% de la population qui pense que l'Algérie va être indépendante et qui, au bout du compte, ne veut pas que les jeunes partent là-bas. Donc, la guerre d'Algérie, au bout du compte, s'est faite contre la population française aussi. La France, après les bouleversements qui ont transformé la face du globe, peut être fier de la fidélité que lui témoignent dans leur immense majorité les populations des vastes espaces africains où flotte le drapeau tricolore. La première lettre de refus à René Coty. Alors, Monsieur le Président, ma compagnie doit partir ces jours-ci en Afrique du Nord. J'ai toujours suivi les ordres qui m'ont été donnés. J'ai suivi avec attention l'instruction militaire. J'ai suivi volontairement le peloton. Je suis prêt à combattre quiconque s'attaquerait à ma patrie. Je veux être fidèle aux traditions françaises de lutte pour la liberté et la justice. Florian écrivait dans une de ses nouvelles Camiret : la guerre me fait horreur. J'admire et chéris l'homme courageux qui, si l'on vient attaquer sa femme, ses enfants, sa patrie, s'arme aussitôt, s'expose à la mort pour le salut de ses frères. Cet homme-là n'est point un homme de guerre, comme on l'appelle fort mal à propos. C'est un homme de paix et de justice, car il combat pour l'une et pour l'autre. La guerre que font nos gouvernants au peuple algérien n'est pas une guerre défensive. Dans cette guerre, ce sont les Algériens qui défendent leurs femmes, leurs enfants, leur patrie. Ce sont les Algériens qui combattent pour la paix et la justice. C'est l'amitié entre Français et Algériens que je veux défendre. C'est aussi la Constitution française que je respecte, puisqu'il est dit dans son préambule « La République française n'entreprendra dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » Alban Yeshti. Alors, c'est en 56. Et j'avais, donc en 56, je suis né en 35, j'avais 21 ans, c'est ça. Alors, on était convoqué à 21 ans à l'armée, à l'époque c'était pas 18 ans, c'était 21 ans. Alors, j'ai pas décidé d'être le premier, mais ça s'est trouvé comme ça, quoi. Ça s'est trouvé que je voulais absolument refuser de combattre, et donc j'ai été le premier. Et on a été une soixantaine en tout et pour tout, qui avons refusé totalement de faire la guerre d'Algérie, quoi. Alors comment ça s'est passé? Vous avez été convoqué à vous rendre dans une caserne pour votre service militaire, y allez, et qu'est-ce qui se passe après? Vous dites non, je ne pars pas, je ne monte pas dans le train pour aller à Marseille, je ne monte pas dans le bateau. Ouais, c'est ça, alors bon... J'ai envoyé une première lettre, là, à René Coty. Comme ça, je me mettais un peu sous garantie. Alors, par contre, à l'armée, on n'a pas le droit de passer devant la tête de tous les gens qui sont au-dessus de nous. Alors, j'ai envoyé donc la lettre au président, mais je l'ai donnée à mon capitaine, parce qu'il fallait aussi que je prévienne la base de l'armée. Alors, ils m'ont donc tout de suite mis en tôle. J'ai fait de la prison militaire à Versailles, là, mais très peu, pas longtemps, juste avant de partir, quoi. Et puis après, ils m'ont mis dans un train qui partait là-bas, en Algérie. Alors donc, je suis parti, on a mis 2 jours à descendre à Marseille. On avait les boîtes de rations, on n'en avait pas assez, alors ça gueulait dans le train, parce que on disait qu'on aurait de faim. Et on est arrivé à Marseille pour aller être transféré en Algérie. J'ai écrit au président de la République, moi aussi, Jean Clavel, combien je trouvais que le combat du peuple algérien était légitime et qu'en conséquence, je refusais effectivement d'en combattre. Alors j'avais pris mes précautions pour ne pas être arrêté de suite et emmené de force en Algérie. Donc j'avais envoyé à mes camarades ma lettre en leur donnant comme instruction de s'efforcer de le faire paraître dans l'Humanité tel jour, de façon que le jour même de l'apparition, je demandais le rapport du commandant sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains où j'étais, pour lui indiquer que ça n'a pas raté. J'ai été tout de suite arrêté, emprisonné, en prison à Luxeuil-les-Bains, dans une cellule isolée, durant 4 mois. Pendant ces 4 mois, on a essayé de me faire changer de position. On m'a indiqué d'ailleurs dans un premier temps que j'étais inculpé pour avoir participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée. Alors au bout de 4 mois de prison à Luxeuil-les-Bains, les gendarmes m'ont dit que j'étais inculpé de refus d'obéissance et que j'allais être traduit devant le tribunal militaire de Lyon. Parmi les soldats du refus, je suis un des premiers, après Alban, à être passé au tribunal. Et dans un premier temps, on m'a muté sur une base aérienne de l'armée de l'air, à Aix-en-Provence. Et ensuite, on m'a remuté, cette fois à Metz. Visiblement, on souhaitait que je déserte. Parce que un déserteur, il disparaît, on ne parle plus de lui, alors qu'un soldat du refus, il fait l'objet, effectivement, d'actions de soutien, hein, et ça remue du monde. Hein. Donc moi, j'avais pas l'intention de déserter, je voulais justement protester, et faire protester contre la guerre d'Algérie. On est sur 1% en fait de la totalité des appelés du contingent. Vraiment, c'est ce chiffre-là, 1%, 12 000 sur 1 200 000 appelés. Donc c'est vraiment une goutte d'eau. Mais ce que j'ai constaté, c'est que auparavant on disait en fait qu'il y avait quelques centaines de personnes, peut-être même quelques dizaines de personnes qui avaient refusé, on va dire idéologiquement parlant, politiquement parlant, de refuser de participer à cette guerre. Et donc au bout du compte, quand j'ai trouvé ce nombre de 12 000 en totalité, je me suis dit que c'était pas aussi anodin que ça finalement, et que il y avait une tendance en fait dans la mémoire aussi de la guerre d'Algérie à minorer les refus. Alors, je suis arrivé en Algérie, et là-bas, ils envoyaient les jeunes, surtout ceux qui arrivaient, tout de suite dans les endroits où ça se battait. Alors, à Alger, moi j'ai été envoyé à Tizi Ouzou, en Kabylie. C'était quand même assez loin d'Alger, et je suis arrivé dans un camp militaire qu'ils avaient fabriqué. Et alors, mais il n'y avait pas de prison. Alors, comme moi, il fallait me foutre en prison, Ils ont cherché partout dans le terrain. Ils ont trouvé une espèce de cabane à lapins. Et ils ont dit, ça va être ça la prison. Alors, ils m'ont fichu là. Puisque j'étais le seul, mais alors... Je parlais avec tous les gars, puis moi je disais ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait, et puis je disais tout ce que je pensais de la guerre d'Algérie. Vous leur disiez quoi ? Qu'on n'avait rien à faire là, qu'on n'aurait jamais dû faire cette guerre en Algérie, et d'autre part qu'on employait des méthodes comme la torture, qui sont interdites, et nous, on les employait, donc j'étais contre tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de rappelés. Et alors, les rappelés, ils étaient vraiment très montés contre la guerre, et très montés contre aussi tout ce qui se faisait. Donc j'ai été bien vu de tous les gars, quoi. Sauf des gradés. Alors, ils m'avaient mis la boule à zéro, alors ce qui m'embêtait le plus, c'est qu'il avait très difficilement le courrier. Alors j'ai attendu de passer le tribunal militaire, mais en attendant, j'avais 60 jours de prison à faire en armée normale, quoi. Alors que j'ai commencé à faire donc à Tizi Ouzou, et puis après ils m'ont ramené à Alger, et pour que je passe le tribunal militaire d'Alger. Et alors là, le tribunal militaire, il y a 5 militaires qui jugent. Alors, ils donnaient toujours le maximum de la peine. Alors, le maximum, c'était 2 ans de prison. Parce que il n'y avait pas de guerre en Algérie. Normalement, on était en opération de maintien de l'ordre en temps de paix. Donc, ils ne pouvaient pas nous condamner. En temps de guerre, c'est la peine de mort quand on refuse de combattre. Alors j'ai eu les 2 ans, je les ai eu 2 fois. Parce que je suis sorti, ils m'ont re-envoyé là-bas, j'ai refusé une deuxième fois, j'ai eu encore une fois 2 ans. Donc là, on revient au pénitencier d'Albertville, là vous êtes en prison à Albertville, vos parents vous écrivent et... Dans un premier temps, je leur envoie des lettres... tout à fait anodine et rassurante, tout va bien. Ouais. Mais au bout de 4 mois, j'étais au cachot à Albertville, dans le noir absolu, je couchais par terre, j'avais une boîte de 5 kilos qui me servait de tinette, un bidon d'eau, le matin je l'ôtais givré parce qu'il n'y avait pas de chauffage, et à Albertville, hein, en hiver, il fait froid, je devais avoir perdu 20 kilos, j'ai dit, Il faut faire réagir. Donc, j'ai écrit à mes parents, en allant d'informer mon avocat, des conditions dans lesquelles j'étais, de façon qu'ils puissent intervenir et que la protestation puisse se développer. Ça fait réagir le commandant d'Albertville, qui s'est mis en colère, qui m'a menacé de... Les menaces, c'était les années de prison... Pour certains, c'était 12 balles dans la peau, mais toujours est-il que je dépérissais considérablement, si bien qu'à la suite de cette lettre et des protestations qui se sont multipliées, on m'a changé de cellule. Donc là, j'ai passé encore 3 mois au secret, toujours isolé. Et puis au bout de 3 mois, le commandant m'a fait ressortir. Il m'a amené dans son bureau où il était avec 3 gendarmes. Il m'a indiqué que, par décision ministérielle, j'étais muté à la section spéciale de Tin Fushi dans le département des Oasis. Le département des Oasis, ça devait être en Algérie, ça. Je refuse toujours de... Ah, mais c'est pour ça que les gendarmes sont là. Ils sont là pour vous emmener. Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. De plus en plus, de nombreux Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés pour s'être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Ni guerre de conquête, ni guerre de défense nationale, ni guerre civile. La guerre d'Algérie est peu à peu devenue une action propre à l'armée et à une caste qui refuse de céder devant un soulèvement dont même le pouvoir civil, se rendant compte de l'effondrement général des empires coloniaux, semble prêt à reconnaître le sens. Faut-il rappeler que 15 ans après la destruction de l'ordre hitlérien, le militarisme français, par suite des exigences d'une telle guerre, est parvenu à restaurer la torture et à en faire à nouveau comme une institution en Europe. N'y a-t-il pas des cas où le refus de servir est un devoir sacré, où la trahison signifie le respect courageux du vrai ? Le manifeste des 121, 6 septembre 1960. Dites-moi, être un mort comme honneur, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces insoumis ? Donc les insoumis se sont déplacés, ils ont déménagé, et donc quelques-uns, même assez nombreux, ont continué à vivre finalement quasiment normalement, sans que ça se sache. Et voilà, ça c'est un premier cas de figure. Alors d'autres ont pris un petit peu même une sorte de maquis, en quelque sorte, près de chez eux. Par exemple, on est au bout de la route, dans la ferme familiale, et puis ici les gendarmes arrivent, la personne va se cacher un petit peu dans le bois, et puis revient quand c'est tranquille, quoi. Ce qui s'est passé pour quelques-uns, c'est qu'ils sont partis aussi en exil. Et donc, en particulier en Suisse, en fait, ils ont commencé à s'installer dans des conditions très très précaires aussi, parce que c'est compliqué, trouver du travail, on est ce sont des réfugiés en fait. Et donc, ils ont essayé par biais de solidarité, grâce à des Suisses, de s'installer, de trouver du travail. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont organisés en fait, et donc ils ont créé à partir de 1958 une organisation qui s'appelle Jeune Résistance. Et ils ont essayé à la fois de faire connaître un petit peu leur nom autour et aussi d'assurer des solidarités. Ils se sont devenus des Français de l'étranger, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire, en fait, que c'était simple. Voilà, j'insiste bien, parce qu'ils étaient vraiment, pour certains, dans des conditions extrêmement précaires. Enfin, ça a été très très dur pour certains d'entre eux. Quand vous sortez de prison, il se passe quoi pour vous ? La guerre n'est pas terminée. La guerre n'est pas terminée. Alors moi, ils m'avaient renvoyé faire mon service en France. Moi, je fais mon service normal. Moi, j'ai accepté de prendre le fusil, je montais la garde, j'ai été au 11e chasseur alpin. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire. Il n'y a pas de problème. J'étais en France, je n'étais pas en Algérie. En 58, là, j'avais été un bon moment aux chasseurs alpins, et là, ils m'ont renvoyé en Algérie pour faire 2 ans de prison supplémentaire. La deuxième fois, ils ont été plus rosses, parce que ils m'ont envoyé directement dans un commando de chasse, ceux qui combattaient le plus en Algérie, quoi. Les BADAF, bataillons africains, dont vous avez certainement entendu parler, étaient basés avant-hier et après-guerre, à Tataouine, en Tunisie. Et à l'indépendance de la Tunisie, ils ont été transférés à Tindouf. Alors le problème, c'est que moi, je n'avais pas de casier judiciaire, pas de condamnation pénale, si bien que on ne pouvait pas être affecté au bataillon d'Afrique si on n'avait pas de condamnation pénale. Donc ils avaient créé à côté l'équivalent, ça s'appelait la section spéciale. Alors c'était la même chose, c'était un bail. Alors on arrive, on vous fait faire la plotte, on vous tabasse, j'en passe, c'est des meilleurs. La plotte, c'est quoi ? La plotte, c'est faire des exercices avec un sac à dos, sans armature, rempli de cailloux, avec un madrier, on couche au tombeau, c'est-à-dire qu'on fait on vous donne une pelle, vous faites un trou dans le sable et vous couchez là avec la moitié d'une toile de tente là, dans ce trou dans le sable avec le vent. Nous avons du sable plein les oreilles, plein les yeux, plein la bouche. Et puis l'ambiance était tendue parce que 2 jours avant, deux des détenus qui avaient essayé de s'échapper, et quand ils ont été rattrapés, le capitaine a pris la mitraillette d'un soldat qui l'accompagnait, et a filé une rafale, il a descendu les 2 gars. J'ai appris quelques jours après que j'avais des camarades qui avait été affecté là quelques jours avant. Voltaire de Volley, un gars du Nord, Paul Lefebvre, un gars du Pas-de-Calais, Lucien Fontenelle, un gars de Dordogne, et Marc Sagné, un gars du Gard. Ils étaient en Algérie, et à l'occasion de la première permission, il n'y en a qu'une, ils avaient refusé d'y retourner. Ils avaient été arrêtés, et on ne souhaitait pas tellement qu'il y ait beaucoup de procès, hein, que ça fasse du bruit. Hein. Donc, par décision ministérielle, ils étaient affectés à Tinfouchi, où là, théoriquement, on continuait notre service militaire. Pour ma part, je suis resté 7 mois et demi à Tinfouchi. Dans un premier temps, je travaillais à la carrière de pierre. Je me suis blessé à un pied. Le gars qui servait d'infirmier, il était boulanger dans le civil. Il m'a opéré avec une lame de rasoir mécanique, si bien que ça s'est infecté, et j'ai eu un début de gangrène. Là encore, j'ai eu de la chance, et un petit avion de l'armée qui s'arrêtait à Tinfouchi, parce que c'était aussi un dépôt d'essence, et ils avaient besoin d'essence, ils ont fait de l'essence, et le médecin a proposé de voir les malades s'il y en avait. Donc quand il m'a vu, que ce médecin et le pilote m'emmènent avec eux à Tindouf. J'étais opéré et correctement soigné. J'ai récupéré ma jambe assez rapidement. Les libéraux lancent un appel afin que ne se creuse pas le fossé de haine entre les jeunes Français qui accomplissent en Algérie de pénibles obligations et ceux-là même qui, par une sorte d'abus de pouvoir, croiraient pouvoir leur imposer leur optique du problème algérien. C'est Michel Honorin qui vous parlait d'Alger, Radiodiffusion, Télévision française. Une dernière information concernant l'Algérie. Les organisateurs de la manifestation, dont l'Union nationale des étudiants de France a pris l'initiative, se réunissent aujourd'hui à Paris. Ils vont étudier les modalités de cette manifestation et choisir notamment la date à laquelle elle aura lieu. Même si, en fait, il n'y en a qu'un pour cent qui a désobéi, en fait, la question s'est véritablement posée pour eux de manière accrue, avec acuité. Et donc, ça a contribué, en fait, à l'émergence, ou même à l'éclatement, on pourrait dire, du débat sur la désobéissance au cours de l'année 1960. Parce que là, on a, les réseaux de soutien qui sont découverts à ce moment-là. On en parle dans la presse. Donc, le France Observateur en parle, l'Express en parle, tous les journaux en parlent, même, quitte à subir les foudres de la censure. Mais ça contribue finalement à ce que l'information autour de la désobéissance dans la guerre d'Algérie circule. Le Parti Socialiste Unifié qui se crée en 1960, la question de la désobéissance est dans son congrès fondateur. Et puis, au-delà même, évidemment, à l'automne, c'est encore plus fort, puisqu'on a l'ouverture du procès du réseau Janson. Le réseau Janson, donc, ce sont les porteurs de valises qui ont aidé le FLN et qui étaient impliqués, on va dire, hein, du côté des Algériens. Quelque part, ça donne une légitimité, finalement aussi, à ce refus de participer à la guerre et qui a touché un petit peu, véritablement, tous les appelés du contingent et qui ont, ce soubassement idéologique qui était, ce soubassement plutôt moral, plutôt qu'idéologique, qui était présent, qui trouve une légitimité là aussi. Indiquons encore que des fonctionnaires de la police se sont présentés aujourd'hui au domicile de certaines personnalités qui avaient signé en juillet dernier une déclaration, je cite, « sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie ». Il s'agissait pour la police d'établir avant toute chose si les personnalités en question n'avaient pas été abusées et si l'on ne s'était pas servi de leur nom. Parmi les signataires se trouvent messieurs André Breton, Jean-Louis Bory, Claude Roy, Jean-Paul Sartre, Madame Simone de Beauvoir et Madame Simone Signoret. Quand l'avion m'a rapatrié à Tinfouchi, j'ai trouvé une ambiance totalement différente. Mes camarades avaient réussi à faire sortir une lettre informant de l'existence et des conditions de vie à Tinfouchi. Ça avait fait beaucoup de bruit ici. Les députés communistes s'en sont emparés, ont interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Soir populaire avait sorti un numéro spécial de son journal La Défense, si bien que ça a dû remuer en haut lieu. J'ai appris après qu'ils avaient envoyé une commission d'enquête. Je ne craignais plus pour ma vie, parce qu'auparavant, à Tinfouchi, On savait le matin quand on se réveillait, on n'était pas sûr de pouvoir s'endormir le soir. Alors le capitaine qui commandait le camp se promenait avec le revolver dans une main et le nerf de bœuf dans l'autre. Et tous les jours, il fallait effectivement qu'il massacre quelqu'un. Après ces interventions, enfin, ils ont décidé d'évacuer les soldats communistes de Tin Fushi. Et en ce qui me concerne, on m'a remis dans un avion et on m'a renvoyé à Colombéchard. Donc à Colombéchard, quand je suis arrivé, j'ai été démobilisé. On m'a mis dans un avion qui m'a ramené en France. En quelle année ? Au début 1960. À un moment, j'ai cru ne pas revenir, mais je suis parti en me disant, bah, au moins j'aurais lutté, et puis voilà, je ne reviendrai pas, et puis c'est tout. Pourquoi vous avez cru que vous aviez Ah ben, j'ai été menacé plusieurs fois de mort. Par qui ? J'ai un capitaine à Fort National, là. Mais vraiment, complètement barjot. Il avait bu le coup, je crois, un peu et tout. Puis il revenait d'avoir fait une opération où il s'était un peu excité. Alors il vient et il me dit « Oh, je vais vous descendre ». Il vient avec le revolver vers moi, il voulait me descendre. Mais il l'aurait pas fait, il était moitié barjot. C'est vrai qu'on sait jamais, c'est pas... J'aurais pu être tué n'importe où, n'importe comment... Le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas, dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, chez toi l'amour t'attend là-bas, fuyant le monde, veille une blonde qui brode. Alors ça s'achève finalement juste avant les accords d'Évian, parce que après, donc, j'avais eu un fils le premier coup, après on a mis une fille en route, et donc ma fille est née le 20 février, donc juste avant les accords d'Évian, et du coup je suis revenu en France, puis j'étais en France après. Vous avez vécu une vie normale, il n'y a pas eu de soucis particuliers, sauf que vous avez été déchu de vos droits civiques. Ben oui, sauf ça, oui. Mais sinon, j'ai vécu une vie normale, j'ai pu reprendre un travail. Alors, le travail, j'étais jardinier à la ville de Paris, alors évidemment, ils m'ont pas repris à la ville de Paris, qui était une ville de droite à l'époque. Et donc c'est là que j'ai trouvé du boulot à Trappes. Vous avez reçu une réponse de René Coty à la lettre que vous avez envoyée ou jamais ? Alors jamais une seule réponse de René Coty. Et puis de Gaulle après, parce que le deuxième à qui j'ai écrit, c'est de Gaulle, et il m'a pas répondu non plus. On parle de vous dans la presse ou finalement on veut pas parler de ces insoumis que vous êtes ? Alors finalement, on ne veut pas en parler. Finalement, il y a aussi que on a soutenu un peu Maurice Audin et tout ça. On a soutenu les communistes qui ont été tués pendant la guerre d'Algérie. Alors ça leur a pas plu. Donc on n'est pas aimé, quoi. Mais finalement, il y a rien contre nous. J'ai eu peur pour mon fils parce que mon deuxième fils, il travaille au ministère de l'Intérieur. Alors j'ai dit, ils vont le foutre à la porte avec ce que j'ai fait moi et tout. Finalement, il est resté au ministère de l'Intérieur. Donc ils ont pas tenu compte de ma condamnation pour mon fils. Vous avez été déchu de vos droits ? Oui. Lors du procès, qu'on est à prison, déchu des droits civiques, si bien que moi, les élections, les premières élections, je n'ai pas pu voter. J'ai retrouvé mes droits civiques après la missie. Il y en a eu plusieurs amnisties, mais ils ont décrété des amnisties, surtout en faveur des gens de l'OAS. OAS, Organisation de l'Armée Secrète. Donc officiellement, c'était amnistie, des condamnations, pour à l'occasion des événements d'Algérie. Donc on était dans ce cas, donc j'ai été amnistié. Et j'ai retrouvé mes droits civils, je crois, en 61 ou 62. Si bien que j'ai même été élu à Malakoff en 65. Comment vous réagissez quand vous apprenez que vous êtes amnistié au même titre que ceux de l'OAS, qui sont même amnistiés avant vous? Bon, c'est pas avant nous. Il y a eu une amnistie. La décision d'amnistie par l'Assemblée nationale, c'est libérer tous les gens de l'OAS et les blanchir. Pourquoi fallait blanchir l'OAS? Ben parce que c'était des alliés du pouvoir. C'est eux qui les ont amenés au pouvoir. Et ensuite, dans le rapport des forces, c'était les alliés. C'était les alliés de la droite, c'était les alliés des socialistes. Les dernières amnisties, puisqu'il y en a eu plusieurs, on a été plus loin que l'amnistie. Et ils ont été amnistiés, et ils ont été indemnités. Les généraux avaient été déchus de leur grade, ont été réintégrés dans leur grade, retrouvés effectivement leur titre, leur pension, et touchaient des rappels pour les soldes qu'ils n'avaient pas reçus quand ils étaient condamnés. J'ai pas compris pourquoi ils étaient alliés de la droite et des socialistes. Parce qu'à l'époque, la guerre d'Algérie a été menée par la droite et par les socialistes. Seuls les communistes et des gens qui se sont dégagés du Parti Socialiste sur la fin, qui ont créé le PSU, quelques catholiques étaient opposés à la guerre d'Algérie. Alors comment vous expliquez que le Parti Communiste n'est pas appelé à boycotter ou à s'opposer plus massivement à cette guerre, sachant que le Parti communiste était, à cette époque, pour l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Parti communiste a toujours été anticolonialiste. Alors, comment expliquer cette histoire d'engagement du Parti communiste au... C'est pas le non-engagement. La preuve, c'est que nous étions engagés, nous manifestions, nous organisions des pétitions, des protestations, mais... On n'allait pas jusqu'au refus, effectivement, de faire son service militaire, parce que, dans ce cas-là, le lendemain, c'était l'interdiction du parti. Nous étions à une époque, en 56, lors des manifestations anticommunistes, où on a mis le feu au comité central à Paris, on a essayé de brûler l'humanité, c'était une période extrêmement tendue, où on était, effectivement, sur la balance. Quand Henri Martin et la jeunesse communiste ont décidé d'encourager quelques jeunes soldats à refuser de combattre en Algérie, c'était discrètement. Alors, bien sûr, maintenant, on sait comment Mitterrand a refusé toutes les grâces et a fait guillotiner à tour de bras. On sait que les socialistes, dans ce cas-là, ont été en dessous de tout. On sait, ce qu'on disait tout à l'heure, l'ambiguïté, l'indécision du Parti communiste pour faire ça. On sait le côté absolutiste de la droite qui voulait à tout prix que l'Algérie soit la France. Et encore une fois, même à droite, avec quand même des gens qui ont été capables de dénoncer la torture et comment les choses se passaient. Sans doute pour des raisons peut-être quasiment théologiques, ou en tout cas pour une morale chrétienne. Mais ils ont été capables de le faire, et ils ont été capables de se finalement mettre à part de ce qui était leur milieu naturel. Et ça aussi, c'est intéressant à montrer, parce que ces hommes et ces femmes ont vécu des contradictions, je crois, très fortes, très violentes, de nature finalement assez semblable à celle d'Alain dans Cher Frangin, d'une autre forme, mais de nature assez semblable. Finalement, ça m'a fait passer au travers de pas mal de trucs. Moi, par exemple, j'ai pas fait, une seule fois, ils ont brûlé des villages, ils les ont entourés, ils ont violé les femmes, etc. Moi, j'ai pas vu tout ça, moi. Alors là, vraiment pas du tout. Parce que tout ça m'a été évité. Et c'est pas plus mal, hein, parce que moi, j'aurais pas supporté. Il y a des choses, j'aurais pas supporté. Ça vous a changé, j'imagine. Vous n'étiez plus le même qu'avant de partir. Eh bien, je dirais non, au contraire. Par rapport à tous les soldats qui ont été en Algérie et qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont fait, qui en font des cauchemars, des anciens d'Algérie en hôpitaux psychiatriques, il y en a eu des quantités. Pour ma part, j'ai pas eu à faire de cauchemars. Je suis rentré et j'ai dormi tranquille. Contrairement à toute une série de braves gars du contingent qui, à leur retour, n'ont pas pu dormir pendant des mois et des années. Est-ce qu'il y a une spécificité à l'Algérie, au traumatisme de l'Algérie, parce que il irait au-delà du traumatisme de la guerre d'Algérie? Pour moi, la spécificité de la guerre d'Algérie, c'est que ça a été une guerre de sécession, en réalité. C'est le Sud qui s'est séparé du Nord. Et on voit, si je prends ce terme, c'est justement parce que la comparaison avec les États-Unis me vient forcément à l'esprit. On voit comment cette guerre de sécession au XIXe siècle, en 1860, aux États-Unis, pèse encore aujourd'hui sur la politique contemporaine. Eh bien, pour la guerre d'Algérie, c'est la même chose, je crois, qu'il y a de ça. Parce que, bien sûr, en Algérie, il y avait les grands colons, la richesse, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui vivaient tout simplement parce qu'ils étaient commerçants, ouvriers, etc. Et qui étaient là depuis si longtemps qu'ils avaient l'impression que c'était leur pays. Et soudain, on les a expulsés de ça. Et deuxièmement, et troisièmement, guerre honteuse et guerre perdue. Tout ça, c'est très difficile, parce que les Français ne supportent l'histoire qu'à géographique. On ne veut que des histoires de victoire. On ne parle pas des défaites. Et si on parle des guerres, c'est pour montrer combien on a été victorieux. Jamais comme on a été défait. Or, la guerre d'Algérie, qui a été sur le terrain gagnée par les militaires français, ils ont gagné, ils ont perdu politiquement. Et ça a été une gifle terrible, parce que pour eux, c'était justement la revanche de la guerre d'Indochine, où là aussi la défaite avait été totale. Je crois que la spécificité de la guerre d'Algérie, encore une fois, j'insiste sur le fait, guerre de sécession. Et les guerres de sécession, je crois qu'on met plusieurs siècles à s'en remettre. Et alors, votre histoire, comment est-ce qu'elle est cultivée ou comment est-ce qu'elle elle émerge dans la mémoire collective, dans la version officielle de l'histoire? D'une part, le Parti communiste ne l'a jamais revendiqué officiellement. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait le faire, mais on ne l'a encore pas fait. Et en ce qui concerne les informations officielles, c'était le Bakout. La guerre d'Algérie, la torture, le fait de guerre, il a fallu attendre 30 ans pour qu'on reconnaisse qu'il y a eu la guerre. 30 ans pour qu'on reconnaisse qu'il y a eu des tortures. Aujourd'hui, Macron, il reconnaît que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, on en parle librement. Pourquoi d'ailleurs vous êtes là? Mais autrement, j'ai vu des quantités de journalistes, y compris de l'ORTF, qui sont venus m'interviewer. Puis au terme de l'interview, on est désolé, mais ça passera pas. Entre nous soit dit, aujourd'hui, dire on a refusé de combattre en Algérie, c'est quand même un problème, parce que l'essentiel des jeunes Français de mon âge ont été en Algérie. Qu'ils aient participé à des excès ou non, ils ont été en Algérie quand même. Beaucoup, ils les regrettent. Mais d'autres, pour d'autres, ils en sont fiers. C'était leurs 20 ans, ils étaient jeunes, ils crapahutaient. Donc, pour eux, on est un contre-exemple. Finalement, ceux qui ont eu le courage, ces 40 types qui ont eu le courage de refuser, c'est un courage exceptionnel. Et c'est eux qu'on devrait décorer, parce que ça dépasse justement tous les engagements qui sont souvent des engagements de théâtre. Là, c'est pas un engagement de théâtre. C'est quelque chose enfin, où la vie est en jeu, mais pas seulement, je dirais, pas la vie au sens de la vie quotidienne, la vie intime, secrète, personnelle des individus. C'est et une chose qui ne s'effacera jamais. L'engagement, c'est la nécessité de tenir. Dans la mesure où on est engagé et qu'on pense que c'est juste, il ne faut pas renoncer, il faut résister. Et alors Jean Clavel, si je vous demande si vous avez fait la guerre d'Algérie, vous me dites quoi, oui ou non ? Ah, moi je n'ai pas fait la guerre d'Algérie, j'ai refusé de la faire. Mais vous avez mené une autre guerre en tout cas. Mais j'ai mené une guerre contre la guerre d'Algérie. Sans fusil, sans bombe, mais par la protestation passive. Je suis heureux parce que vraiment ça a servi à quelque chose et ça a montré que c'est toujours possible de s'opposer à quelque chose qu'on ne veut pas faire. Algérie, les ineffables mémoires, les soldats du refus. Merci à Alban Liechti, Jean Clavel, Gérard Mordilla et Tramor Kemeneur. Merci également à Jean Vandard. Algérie, les ineffables mémoires, Archivina, Hervé Ivano, prise de son, Bofar Guéride et Jean-Louis Deloncle, mixage, Bernard Vaniel, réalisation, Somanina. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté d'Hélène Fabrini pour la série documentaire. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient son brave vengeur. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la caserne, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, quitter l'Algérie. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.